إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue le livre Cheikh Al-Fawzan Al-Irshad et on a commencé d'expliquer la semaine passée dans le chapitre Al-Iman Bil-Rusul le sujet dont on a parlé c'était Al-Ikma ou Ikma Al-Anbiya ou l'infaillibilité des messagers et des prophètes. Et là, le cheikh, il cite les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, au sujet de la différence d'opinion en ce qui concerne l'infaillibilité des prophètes, en ce qui concerne l'infaillibilité ou la protection d'Allah SWT pour les messagers contre les péchés. Et on a expliqué que Allah SWT, en fait, c'est pas impossible que les messagers fassent des péchés, excepté qu'ils sont protégés par Allah contre le fait de persister à faire un péché. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas continuellement persister à faire le même péché. S'ils font une erreur, une faute ou un péché, eh ben, les prophètes, Allah les amène automatiquement à se repentir. Et on a beaucoup d'exemples dans le Coran. Dans les versets, dans les hadiths, les exemples que le prophète, Allah SWT, leur a enseigné des formules pour se repentir à Allah SWT. Hein? Donc, à chaque fois qu'un prophète ou un messager faisait une faute, eh bien, il se repentit. Hein? Donc là, le chef, il continue à citer Ibn Taymiyyah et il dit, il a un qal, « وَبِهَذَا يَظْهَرُ جَوَابُ شُبْهَةٍ من يقول إن الله لا يبعث نبيا إلا من كان معصوما من قبل النبوة كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم وكذلك من قال إنه لا يبعث نبيا إلا من كان مؤمنا قبل النبوة فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون خفضا وإن تاب التائب منها وهذا منشأ غلطهم فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط غلطا عظيما فإن الذنب والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منها يعني لا يلحق التائب منها شيء أصلا لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذنب والعقاب ما يناسب حاله. Donc Ibn Taymiyyah ici il explique que yani la réponse pour ceux qui disent que les prophètes et les messagers ne peuvent pas faire de péché ou que c'est obligatoire pour un prophète ou un messager qu'il soit infaillible avant la prophétie. Il dit, mais en fait, ça c'est une erreur. Parce que c'est une croyance, mais c'est quelque chose qui fait partie des idées d'un certain groupe qu'on appelle Ar-Rafida, qui font partie des sectes, des Shia, et ils font partie des gens de Dalal. Donc, parmi ces gens-là, ils s'imaginent que le prophète doit être parfait ou infaillible avant la prophétie. Et l'erreur, ou la cause de leur erreur à ce sujet-là, c'est parce qu'ils se sont dit que celui qui a fait des péchés, eh bien, il est imparfait ou qu'il est moins, ou qu'il est il a baissé son statut, même s'il s'est repenti sincèrement de ses péchés. Alors qu'on a expliqué la semaine passée que celui qui s'est repenti d'un péché, eh bien, il devient meilleur que ce qu'il était avant d'avoir fait ses péchés, avant d'avoir commis ses péchés. Et on a expliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montrait que, Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit plus de la repentance de son serviteur qu'une personne qui est dans le désert et qui a perdu son chameau avec toute sa subsistance, toute sa nourriture, ses breuvages et tout, et tout ce qu'il avait besoin pour le voyage. Donc, il a perdu tout ça et donc il s'attend de mourir et tout. Donc, il se pose pour se reposer sur un arbre ou attendre sa mort. Et quand il se réveille, il retrouve son chameau, donc il se réjouit. Et donc, ça c'est la joie qui, cette joie-là, de la personne qui a retrouvé ces choses-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, sa joie à lui est plus grande encore que la joie de cette personne. Et en fait aussi, ça nous montre qu'on peut affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a al-farah. إن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. يكون عفيم سا يكون ذيك فرحا يليق به. لكن هو في كونستون الله سبحانه وتعالى سبع سماجستي سا غراندور اي كان لا ريسامبا ا سيل دي كرياتور. لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكون عفيم سيت اتيدي. سيت جوست ان باتان بور clarifier parce qu'il y a des gens bid'a comme les Asha'ira et d'autres qui ont cette attribut, qui font le ta'wil de cette attribut. Donc, c'était ça leur erreur, le fait qu'ils ont cru que lorsqu'une personne fait un péché, il commet un péché et qu'il s'est repenti sincèrement, il croit que ça le rabaisse, même s'il s'est repenti. Alors, ça, c'est la base de l'erreur de ces gens-là. Donc, le chef, il dit, le blâme qu'on fait pour les gens des péchés, eh bien, ça n'affecte en rien la personne qui s'est repentie. En rien. Par exemple, si quelqu'un faisait un péché et qu'il était connu pour comme étant une personne qui commettait ce péché, et sauf que par la suite il s'est repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, il a cessé de le faire et qu'il s'est reformé, c'est-à-dire qu'il est devenu quelqu'un de droit, eh bien, c'est plus permis par la suite de se référer à cette personne comme étant une personne qui faisait un péché en particulier. Donc là, lui, c'était une personne qui faisait la fornication. Alors, on n'a pas le droit, après sa repentance, de se référer à lui comme étant un fornicateur. Parce que, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés. Et lorsque quelqu'un s'est repenti, eh bien, on n'a plus le droit de regarder ce qu'il faisait avant, mais on regarde ce qu'il fait après sa repentance. C'est comme lorsqu'une personne accepte l'islam, eh bien, l'islam efface tout ce que la personne avait avant l'islam. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait de péché et de mal dans le coffre, eh bien, quand il accepte l'islam, tout ça s'est effacé. Donc on n'a pas le droit de se référer à la personne qui accepte l'islam, même si avant l'islam, elle commettait toutes sortes de péchés. Lorsqu'elle devient musulmane et qu'elle cesse de faire ces péchés-là, eh bien, on n'a plus le droit de se référer à cette personne comme étant ce qui était avant l'islam. D'accord? Donc, c'est ça. Le blâme ne touche pas la personne qui se repentit. Après, le chef, il dit, encore, Ibn Taymiyyah, il dit, « وَالْأَنْبِيَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ كَانُوا لَا يُؤَخِّرُونَ التَّوْبَةَ بَلْ يُسَارِعُونَ إِلَيْهَا وَيُسَابِقُونَ إِلَيْهَا ولا يؤخرون ولا يسرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل به النون صلى الله عليه وسلم. هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة، أما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا. والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب، وإذا كان قد يكون أفضل، فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة. Ici, qu'est-ce que le chef a expliqué? Il a dit que les prophètes, que la paix et le salut d'Allah a fait sur eux, ils ne retardaient jamais la repentance. Hein, parce qu'on sait que, en général, beaucoup d'entre nous, on se laisse tromper par le shaitan et on se dit, bon, je fais un péché, mais je vais me repentir, inshallah. Et donc, on retarde la repentance. On laisse à plus tard. On se dit, aujourd'hui, je le fais, mais inshallah, peut-être bientôt je vais me repentir, ou bien dans quelques temps je vais me repentir. D'accord? Tandis que les prophètes, non. Les prophètes, ils ne retardent jamais la repentance. Aussitôt qu'ils font un péché, ils se précipitent et ils se dépêchent pour faire la repentance. Et c'est ça que les chefs disent. Ils se précipitent vers la repentance et ils sont les premiers à se repentir. Et il ne reste jamais persistant sur un péché. C'est-à-dire, il ne continue pas à faire un péché. Et ça, c'est important de mentionner, qu'il y a une différence entre les péchés qu'on appelle al-kaba'ir ou al-sara'ir. Al-kaba'ir ou al-sara'ir. Les grands péchés et les petits péchés. Les grands péchés, d'après ce que les ulama ont expliqué, ce sont les péchés qui viennent avec une menace ou une punition ou un châtiment d'Allah dans la révélation. Et tandis que les petits péchés, ce sont des péchés qui sont des choses qui sont interdites mais qui ne sont pas mentionnées avec une punition ou un châtiment ou une menace quelconque. Mais par contre, les ulama, ils ont expliqué que si quelqu'un commet un petit péché et qu'il persiste à le faire, eh bien ça devient un grand péché. Même si c'est un petit, mais à force de le faire constamment, ça devient un grand péché avec le temps. Et puis, il faut jamais dénigrer les péchés, qu'ils soient grands ou petits. Yani, il ne faut pas se dire, ah, je fais juste un petit péché, alors je peux continuer à le faire, ce n'est pas grave. Ça, ce n'est pas l'attitude du mu'min. L'attitude du mu'min, yani, c'est qu'il regarde ses petits péchés comme une montagne, sa tête. Tandis que l'hypocrite, il le regarde comme une mouche qui vole autour de lui et qu'il le chasse de sa main. Ça, c'est rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, et ça c'est important à comprendre aussi. Donc, il ne faut pas persister à commettre un péché. Si on commet un péché, il faut essayer de se précipiter à la repentance. Après, le chef nous dit que les prophètes, en fait, sont protégés, hein, ils sont ma'soumoun, sont infaillibles, protégés par Allah subhanahu wa ta'ala de persévérer et persister à faire un péché, continuellement. Et le chef, il dit, celui d'entre les prophètes, par exemple, qui a fait un péché pendant qui a laissé une petite période de temps avant de se repentir, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala efface ça par les épreuves qu'il donne aux prophètes. C'est-à-dire que les prophètes passent tellement par un grand nombre d'épreuves dans leur vie, en transmettant le message, en faisant les da'wah, que Allah subhanahu wa ta'ala efface leur péché. Et toute épreuve qui nous atteint dans notre vie, que ce soit une maladie, une fatigue, ou bien de se faire insulter par les gens ou de se faire rejeter parce qu'on appelle à l'islam ou autre chose, ou même si ce n'est pas quelque chose de religieux comme da'wah, mais juste comme dans le hadith Shawka, il y a une épingle, une aiguille qui se pique, et bien, Inch'Allah, si tu le prends avec patience et endurance, eh bien, si tu sais que ça vient d'Allah, alors c'est bien entendu que tu vas être pardonné. Et bon, Allah va t'effacer tes péchés pour ça, comme une expiation. Après, le chef, il donne l'exemple de Dhunnun. C'était, Dhunnun, c'est Job, un enfant. Jonas. Dhunnun, c'est Jonas, non? C'est celui qui a été avalé par Job. Job, c'était pas, oui, celui qui a été avalé par la baleine ou le poisson. C'est Jonas. Oui, c'est de lui que je parle. Okay. Donc, celui-là, le chef, il mentionne, il dit que il a été avalé par le poisson après avoir été un prophète. Parce que Allah Santal l'avait envoyé à un seul et il avait refusé d'y aller, donc il s'était avalé par le poisson. Et quand il était dans le ventre de la baleine, etc., etc., il a fait un dua, un adatil zulumat. Alors, le dua c'est quoi? Subhanallahi la ilaha illa anta subhanaka. Donc, ça nous montre que ça c'était arrivé après qu'il soit un prophète. Et le chef il mentionne, il dit, en ce qui concerne ceux qui disent que ça s'est passé après, avant la prophétie, alors ils disent que ces gens-là, en fait, ce qu'ils disent, ça n'a aucune preuve. Et le chef il dit, la personne qui se repent du coup et du péché, eh bien c'est possible que cette personne-là soit bien meilleure que la personne qui n'a jamais commis de coup ou de péché. Hein? Et le chef il dit, et si dans ce cas-là c'est possible qu'il soit meilleur, alors c'est encore meilleur pour le cas d'un prophète, hein, ou quelqu'un qui n'est pas à son niveau de mérite. Hein? Alors après le chef il dit, وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْ إِخْوَةِ يُوسُفَ بِمَا أَخْبَرَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَهُمُ الْأَخْبَارُ الَّذِينَ نَبَّأَهُمُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي فآمن لوط لإبراهيم عليه السلام ثم أرسله الله إلى قوم لوط وقد قال تعالى في قضية شعيب يعني الشيخ المرسل في دورة إلى مرسلية الإجزام دي péché des frères de Yusuf, alayhi salam, et ce sont ceux qui sont mentionnés dans le Coran comme étant l'asbar. Hein? Donc eux aussi, Allah a mentionné leur péché. Et malgré qu'ils étaient aussi des prophètes. Et le chef il mentionne par la suite Lot. Hein? Il dit qu'il a cru par la suite Amana Lot et Ibrahim. Lot a cru en Abraham et il l'a envoyé par la suite au peuple de Lot pour les avertir. Et par la suite, le chef il mentionne un autre exemple dans l'histoire de Shu'aib. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وعلى الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. Donc le chef il mentionne l'exemple de Shu'aib lorsque les nobles du peuple de Shu'aib qui se sont enorgueillis, qui avaient de l'orgueil parmi son peuple, ils ont dit nous allons te chasser, toi Shu'aib et ceux qui ont cru avec toi, on va te chasser de notre village, de notre ville, ou bien tu reviens à notre religion. Yani, soit que tu reviens à notre religion ou on te chasse. Et après Shu'aib lui a répondu, même si on refuse ou on n'est pas d'accord de revenir, alors Shu'aib dit nous avons certes inventé un mensonge auprès d'Allah si on revient dans votre religion. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, après que Allah subhanahu wa ta'ala nous en a sauvés, et il ne nous convient pas qu'on retourne à cette religion, excepté si Allah le veut, et Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance a enveloppé toute chose, elle enveloppe toute chose, et après il dit, et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on met notre confiance, ô notre Seigneur, tranche entre nous et entre notre peuple et nous, par la, en vérité, et qui est le meilleur des juges, ou le meilleur de ceux qui tranchent par la vérité. Ensuite, il mentionne l'autre verset qui dit, et ceux qui ont mécru ont dit à leur messager, nous allons vous chasser de notre terre, ou soit vous revenez à notre religion. Après, le chef, il mentionne, il dit, وإذا عرف أن الاعتذار بكمال النهاية لا بنقص البداية وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار لا بد لكل عبد من التوبة وهي واجبة على الأولين والآخرين كما قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وعلى المؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Donc le chef il dit que lorsqu'on a compris que en fait qu'est-ce qu'on doit prendre, on doit comprendre en fait que l'important c'est pas c'est l'important c'est la perfection de la fin, comment on termine notre vie. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ, c'est par les dernières actes, les dernières actions qu'on fait dans notre vie qu'on sera jugé. Même si on a commencé mal, même si on a commencé dans le péché ou dans le mal, ou dans la mécréance, c'est pas ça qui va être compté au jugement dernier. Et qu'est-ce qui va compter au jugement dernier? C'est comment on a terminé notre vie. D'accord? Donc c'est pour ça que le chef il dit, elle est atibar, bin nihaya. Elle est bikamal, nihaya, la binaqs al-bidaya. Et le chef il dit, cette perfection, elle peut uniquement venir par la repentance et la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut que chaque serviteur sache qu'il doit se repentir à Allah, demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, faire la tawba, se repentir. Hein? Et le chef dit que la tawba c'est obligatoire pour les premiers et pour les derniers. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. C'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala punisse les hypocrites hommes et femmes et les mushrikins, c'est-à-dire ceux qui font le shirk, les associateurs ou les idolâtres hommes et femmes, et pour qu'ils se repentent ou qu'ils acceptent la repentance des croyants et des croyances, et Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur et le miséricordieux. Donc, la repentance, c'est une obligation. C'est pas quelque chose qui est recommandé de faire. C'est quelque chose qui est obligatoire de faire. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans le Coran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَتُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ. Hein? Alors, c'est une obligation pour les croyants de se repentir. Hein? Alors, il faut toujours garder ça en considération et comme on va voir tout à l'heure, le chef il va expliquer que d'après les paroles de ceux qui disent que les prophètes peuvent pas faire de sont protégés contre les péchés, ça implique, ouais, ça impliquerait qu'ils ne se revengent pas. Hein? Et ça c'est une imperfection dans le sens que la repentance c'est une des grandes formes de ibadah, c'est une des plus grandes formes de d'adoration pour Allah Ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, si Allah Ta'ala avait créé, ou si les hommes ne faisaient pas de péché, il allait créer une autre création qui font des péchés et qui demande pardon. Hein? Et ça c'est pourquoi, c'est parce que Allah Ta'ala, premièrement, il aime que sa créature l'abord par la repentance et par la demande de pardon, et lui-même, il est Al-Ghafour, hein, Al-Ghaffar. Donc, il aime pardonner et il exprime cet attribut-là par le pardon et il aime l'exprimer dans ses attributs. Donc, c'est pour cette raison-là que yani, Allah SWT, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette citation, yani, cette parole dans le hadith. وقد أخبرنا الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزل عليه أو من آخر ما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم ذكر النصوص كثيرة كثيرة في الاستغفار. الشيخ يكتب ابن تيمية في آخر جزء من كتابه، يقول أن الله سبحانه وتعالى nous a expliqué، il nous a parlé de la repentance de Adam et de la repentance de Noé et des autres prophètes qui sont venus après ces deux-là. Jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les derniers versets qui ont été révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est surat al-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Lorsque vient la victoire d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que tu vois que les hommes entrent dans la religion d'Allah en groupe, alors célèbre le louange de ton Seigneur et demande-lui son pardon, certes il est pardonneur, yani, certes il accueille ou il accepte le repentance. Après, donc ça c'est la fin de la citation de Ibn Taymiyyah, et après le chef il explique à Cheikh Al-Fawzan, il dit ثم ذكر نصوصا كثيرة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a toute la citation de Ibn Taymiyyah au sujet de ce sujet-là, ça a été pris de, si je ne me trompe pas, ça a été pris du livre qui s'appelle Al-Nubuwwat, hein, parce que dans le livre Al-Nubuwwat, il a parlé de ce sujet-là. Et donc, ça c'est, le chef même Al-Fawzan, il a mentionné ça, il a dit de se référer à ce livre-là. Et donc, le chef par la suite, il continue, il dit, ثم قال, encore une fois, Ibn Taymiyyah, il dit, ونصوص الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس التأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من فعله في هذا الباب وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلمة عن مواضعه كتأويلهم قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته وهذا معلوم البطلان وقال أيضا الجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها حينئذ فما وصفهم إلا بما فيه كمالهم فإن الأعمال بالخواتيم وقول المخالف يلزم عليه كون النبي لا يتوب إلا الله انتهى المقصود. Donc le chef il a mentionné la citation d'Ibn Taymiyyah encore une fois, je pense que c'est la fin, mais je me suis trompé là. Il continue encore, il dit, et les preuves du Coran et de la Sunna dans ce sujet-là, elles sont nombreuses. Et les athars, c'est-à-dire les narrations, les rapports des sahaba et des tabi'in et des ulama, yani des musulmans, par la suite, sont aussi nombreux, yani. Mais ceux qui s'opposent à ça, yani, ils viennent avec certaines ta'wila, comme on dit, certaines déformations de la vérité. Du même genre ou du même type de ta'wilat que le ta'wil de Jahmiyyah et de Batiniyyah à propos de Sifat. ou d'autres aspects de la religion. كما فعل ذلك من فعله في هذا الباب وتأويلاتهم تبين يعني leur تأويلات les déformations qu'ils amènent à ce sujet-là pour essayer de montrer que c'est pas vrai que les prophètes peuvent faire des que les prophètes ont fait des péchés. Alors les déformations qu'ils amènent pour essayer de dire non c'est pas vrai ils ont pas fait des péchés, eh bien ces déformations-là sont très clairement yani fausses. C'est clair pour comprendre que ce sont pas des bonnes explications. Et le cheikh donne comme un exemple de leur ta'wil ou de leur déformation le verset dans lequel Allah SWT a dit dans Surah Al-Fath, le deuxième verset, pour qu'Allah SWT te pardonne tes premiers péchés précédents et tes péchés postérieurs. Donc, ça c'est un verset clair qui explique que il y a des péchés précédents et des péchés par la postérieure, et eux ils ont répondu à ça en disant tes péchés précédents ce sont les péchés de Adam et tes péchés postérieurs ce sont les péchés de Fa'umma. Mais le chef il dit que ça c'est clair, que on voit clairement que c'est faux, que ça s'applique, c'est pas vraiment une interprétation correcte sur ce verset. Après, il dit wal jumhur, c'est-à-dire la majorité de ceux qui disent que les prophètes peuvent faire des petits péchés, ils disent qu'ils sont protégés contre le fait de persister à les faire. Alors dans ce cas-là, ils ne les ont pas décrits par quelque chose de accepter la perfection. Ils les ont décrits uniquement par quelque chose de perfection, c'est-à-dire des serviteurs d'Allah qui se repentent. Et on sait que les actions qui comptent, qui vont être jugées au jugement dernier, qui seront les plus importantes, ce seront nos dernières œuvres. Et ceux qui disent le contraire, ceux qui disent que le prophète ne peut pas faire le péché ou commettre le péché du tout, que ce soit même pas faire un petit péché, même s'il se repent, alors là, ceux qui disent ça, ça implique que le prophète ne peut pas se repentir à Allah. Alors ça, c'est la fin de la citation de Ibn Taymiyyah. Et le chef il dit par la suite, وَيُمْكِنُ تَخْلِيصُ هَذَا الْمَوْضُوعَ فِي مَا يَلِي عِتْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْهَا مَا هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِدَايَةً وَنِهَايَةً وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بِدَايَةً لَا نِهَايَةً فَبَيَانُ ذَلِكَ يعني أولا أجمعوا على عتمتهم فيما يخبرون عن الله وفي تبليغ رسالته، لأن هذه العتمة هي التي يحصل بها المحصول أو مقصود الرسالة والنبوة. Donc le cheikh il dit, on peut résumer ce sujet dont on vient de parler comme au sujet de l'infaillibilité des prophètes, en disant que l'infaillibilité des prophètes, que la paix et la famille d'Allah soit sur eux, eh bien, on est en accord, ou il y a un accord où les ulama s'entendent, il y a un sujet, il y a une partie de ce sujet sur lequel les ulama sont d'accord, du début à la fin, tandis qu'il y a une autre partie de ce sujet dont ils sont en désaccord du début, mais pas à la fin. Au début, mais pas à la fin. Et l'explication de ça, c'est que premièrement, tous les gens sont d'accord pour dire que les prophètes sont infaillibles dans ce qu'ils transmettent de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la prophétie et dans la transmission de la révélation, ils sont infaillibles, ils ne peuvent pas faire d'erreur ou se tromper. D'accord, ça c'est clair. Et ils sont protégés par Allah de cela. Et en croyant à cet aspect ou à cette partie de l'infaillibilité des prophètes, eh bien, on a atteint le but de la prophétie et du message. Hein. C'est ça le but du message, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas de doute en ce qui vient d'Allah, et qu'on peut être convaincu que tout ce qui vient des prophètes et des messagers, c'est préservé par Allah. Il dit dans son être, inna nahnu anzalna dhikra. Donc Allah SWT dit, on a fait descendre le zikr et c'est nous qui allons le préserver. Et contrairement à ce que beaucoup de musulmans pensent, que Al-Dhikr ça se limite uniquement au Coran, alors que en fait, Al-Dhikr ça inclut Al-Coran ou Al-Sunnah. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé le Coran, il a préservé aussi l'explication du Coran. Hein? Parce que la Sunnah, c'est ce qui explique le Coran. Et sans la Sunnah, c'est impossible de suivre le Coran. C'est impossible d'appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ceux qui, certains groupes comme Al-Qur'an Yod, ou il y en a d'autres parmi les, il y en a des égarés qui disent qu'on peut adorer ou suivre Allah, et adorer Allah ou suivre l'islam sans croire à la Sunna. Alors ces gens-là, c'est clair qu'ils ont commis un acte de kufr en ayant rejeté la Sunna. Et lui qui rejette la Sunna, il est kafir. Il n'y a aucun doute là-dessus, ça c'est Ijma' al-Muslimin. Ijma' al-Ummat al-Muslimin. Il y a le consensus de la Ummah qui est tous d'accord pour dire que quiconque rejette la Sunnah, il est en dehors de l'islam, même s'il ne préparait plus l'islam. Parce que sans suivre la Sunnah, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas payer la zakat, tu ne peux pas savoir comment faire le hajj. Parce que toutes ces choses-là ne sont pas détaillées ni expliquées dans la Sunnah. C'est uniquement dans le Coran. Ils ne sont pas détaillés, expliqués dans le Coran. C'est uniquement dans la Sunna que ces choses-là sont expliquées. Alors, c'est une chose très importante à comprendre. Parce que là, il y a un groupe là qui est très actif sur l'Internet, en train de prêcher et de répandre l'idée qu'on ne doit pas suivre la Sunna, on ne doit pas croire au hadith et les choses de ce genre. D'accord? Donc, on doit comprendre et savoir clairement que ceux qui nous ont ramené le Coran, et qui ont ramené le Coran jusqu'à nous, eh bien, ceux qui ont ramené le Hadith, ce sont les mêmes que ceux qui ont ramené le Coran. Si tu lis les Asanid, les chaînes de narrateurs des Hadiths, et tu vas voir que ce sont les mêmes chaînes de narrateurs que ceux qui ont ramené le Coran. Alors, si tu rejettes le Hadith, tu dois rejeter le Coran aussi. Je ne peux pas croire à un sans croire à l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il l'a préservé. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Donc, الذكر فإنكلي القرآن والسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Et on a révélé sur toi le ذكر pour que tu expliques aux gens ce qui leur a été révélé. Ça c'est un autre verset dans le Coran. Il dit clairement que c'était pas seulement le rôle du prophète صلى الله عليه وسلم de réciter le Coran et d'enseigner le Coran, mais c'était aussi un rôle et un devoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam de clarifier pour les gens qu'est-ce qui leur a été révélé. Il faut bayyin al-nas ma nuzila ilayhim. Et parmi les clarifications de qu'est-ce qui a été révélé, eh ben, c'est la sunna. Hein? Donc, comme on a vu le premier point sur lequel les parents sont en accord, les gens sont d'accord, c'est de dire que il y a une infaillibilité dans la transmission du message. Par contre, il y a une différence d'opinion, comme le chef dit, « وَاَخْتَلَفُوا فِي عِثْمَتِهِمْ مِنَ الْمَعَاصِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِعِثْمَتِهِمْ مِنْهَا مُطْلَقًا كَبَائِرُهَا وَصَغَائِرُهَا لِأَنَّ مَنْصِبُ النُّبُوَّةِ يَدُلُّ عَنْ مُوَاقَعَتِهَا وَمُخَالَفَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَمْدًا ولأننا أمرنا بالتأثي بهم وذلك لا يجوز مع وقوع المعصية في أفعالهم لأن الأمر بالاقتداء بهم يلزم منه أن تكون أفعالهم كلها طاعة وتأول الآيات والأحاديث الواردة بإثبات شيء من ذلك وقال الجمهور بجواز وقوع الصغائر منهم بدليل ما ورد في القرآن والأخبار لكنهم لا يصرون عليها فيتوبون منها ويرجعون عنها كما مر تفصيله فيكونون معصومين من الإصرار عليها ويكون الاقتداء بهم في التوبة منها. Donc le cheikh explique maintenant la deuxième aspect la deuxième partie de ce résumé, c'est que les gens ont eu un désaccord au sujet de l'incrédulité en ce qui concerne les péchés. Et il dit qu'un groupe parmi les les gens ont dit que ils sont infaillibles de tous les péchés en entier, que ce soit des grands péchés ou des petits péchés. Pourquoi? Parce que, selon ce qu'ils ont expliqué, la position du prophète, elle implique que quelqu'un ne peut pas désobéir à Allah ou contredire Allah subhanahu wa ta'ala intentionnellement. Et parce qu'on a été ordonné de se baser sur qu'est-ce que les prophètes nous ont montré pour suivre l'islam. Et donc, ils disent que c'est pas permis pour eux de tomber dans quoi que ce soit de péché dans leurs actions, parce qu'on a été ordonné de se baser ou de les suivre. Et ça, ça implique que toutes leurs actions doivent être obéissantes. Et ils ont donc essayé de déformer les versets et les hadiths qui ramènent quelque chose de la désobéissance au sujet des prophètes. Alors que la majorité des ulama ont dit que ça se peut, que c'est possible que les prophètes commettent des petits péchés à cause des preuves qui sont venues du Coran et de la Sunna à ce sujet. Toutefois, ils ne peuvent pas persister à commettre un péché. Et ils se repentent et ils reviennent sur leur péché. C'est-à-dire ils reviennent de leur péché, ils ne le refont pas. Comme on l'a expliqué précédemment. Et donc, ils sont préservés ou ma'soumin, ils sont infaillibles de persister à commettre continuellement un péché. Et donc, on doit suivre leur exemple dans la repentance. Comme le cheikh dit, وَيَكُنُ الْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ فِي التَّوْبَةِ مِنْهَا. Donc c'est dans la repentance de ces péchés-là qu'on doit les suivre, et pas dans l'exemple lorsqu'ils ont désobéi ou commis une faute. C'est ce qui vient terminer le passage ou la partie qu'on a à lire aujourd'hui. Sauf que, en terminant, il y a un point que j'aimerais expliquer. Que, au sujet de l'infaillibilité, il y a des groupes qui ont aussi décidé en attribuant ou en affirmant l'infaillibilité à autre qu'au prophète. Alayhi salat wa salam. Et ça, c'est le groupe des chiites. C'est le groupe de la plupart des soufis. Les chiites, ils ont affirmé l'infaillibilité de leurs imams. C'est-à-dire les 12 imams, les Ashriya, la secte des Rafida, ils affirment l'infaillibilité des descendants de Ali. Ils disent qu'ils ne peuvent pas commettre de péché, ils ne peuvent pas commettre d'erreur, ils sont parfaits depuis qu'ils sont même dans l'état de sperme, de spermatozoïde, jusqu'à ce qu'ils meurent, ils restent toujours parfaits. Et ils croient en fait, les chiites, parmi leurs Aqida, c'est que c'est des êtres éternels, ces 12 imams sont des êtres éternels qui existaient même avant la création du ciel et de la terre, ils étaient 12 lumières qui tournaient autour du trône. Et parmi les exemples de leur croyance, comme Al-Khomeini, il dit dans le livre Hukumat al-Islamiyya qu'il croit que les imams, ils ont atteint un niveau plus élevé que les anges et que les prophètes, et qu'ils contrôlent tous les atomes de l'univers. D'accord? Donc ça, c'est clair que ça tombe en contradiction avec les croyances des musulmans en ce qui concerne Al-Asma wa Sifat et en ce qui concerne Al-Tawhid al-Rububiyya. Parce qu'on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est Rabb et c'est lui seul qui contrôle ce qui se passe dans l'univers. Et même les kuffars de Quraysh, ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala c'était lui qui contrôlait le monde à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient uniquement refusé d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Alors que ces gens-là, parmi les Rafida, eux, ils affirment la Rububiyya pour autre que Allah, c'est-à-dire aux 12 imams, aux 12 successeurs, aux 12 descendants de Ali, c'est-à-dire Ali et 12 de ses descendants. Hein? Et aussi parmi ces idées-là, c'est que quand ils naissent, ils ont une connaissance parfaite du Coran et de toutes les révélations qui viennent d'Allah et de la Sunna, donc ils n'ont pas besoin de se référer même au Coran ou à la Sunna. Ils se réfèrent uniquement aux paroles de leurs imams, puisqu'ils croient que ce sont eux qui possèdent toute la science. Cette même idée, cette même croyance a été empruntée par les soufis dans les groupes de tasawwuf parmi les différents turqs soufis. Et donc, ils ont affirmé à leur shuyukh, à leur a'imma, des attributs de divinité et d'infaillibilité. Et donc, ils croient, par exemple, qu'il y a ce qu'on appelle rijal al-ghayb, qui sont divisés en différentes catégories. Al-awtad, wa al-muqaba, et différents degrés comme ça, qui sont différents nombres, et que le plus haut c'est al-qutb, ou bien al-ghawb. Et ils disent que ce niveau-là, al-ghawb ou al-qutb, c'est un homme à chaque époque, et quand il arrive à ce niveau, il arrive à contrôler tout qui se passe dans l'univers. Et tous les différents atomes de l'univers sont sous son contrôle. Donc, ça veut dire qu'ils ont enfin emprunté cette aqida des chiites. Et lorsqu'on revient dans l'histoire même du début du soufisme, on réalise qu'il y a eu des liens très intimes entre il y a eu des liens très intimes entre les deux. D'accord? Parmi les croyances qu'ils ont associées vis-à-vis les awliya, ce qu'ils appellent awliya, c'est qu'ils connaissent l'invisible, ils connaissent le passé, l'avenir, qu'ils ont une connaissance, ils n'ont pas besoin d'étudier le Coran ou les hadiths pour arriver à une connaissance de l'islam. Selon eux, ces gens-là, ils croient que Dieu leur donne directement la connaissance. Ils n'ont pas besoin de passer par, ils n'ont même pas besoin de passer par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils voient, et ils croient même que certains d'entre eux croient qu'ils peuvent même prendre directement aller regarder directement dans Allah al-Mahfouz. Les tablettes préservées. Ils croient qu'ils ont accès à ça. Et qu'ils peuvent aller directement voir ce qui va se passer, connaître le passé et l'avenir. Et beaucoup d'autres parmi les croyances qu'ils ont, qui sont au contraire à l'aqida de l'islam. Donc ça c'est clair que ce sont des aqida de kufr, et qui sont des choses contraires à l'islam. Donc c'est de notre devoir de faire attention. Et si les gens qui entendent ces paroles maintenant, il y en a peut-être qui doutent de ça, ou qui pensent que ce sont des choses qui ne sont pas réelles, alors qu'en fait, ces choses-là sont même écrites dans leurs livres. Et ce sont des choses qu'on peut retourner, qu'on peut vérifier, même enfermer des preuves de ça. Et c'est des choses qui font partie des croyances de la plupart des turcs soufis. Aussi, c'est que même la notion de wilaya, la notion de sainteté, comme on l'appelle, ils ont traduit ça comme étant sainteté, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Dans l'islam, il n'y a pas de saint, c'est plutôt que al-wilaya, c'est d'être près d'Allah, de se rapprocher d'Allah. Et bien, ça, dans l'islam, c'est une caractéristique qui s'applique à tout croyant qui craint Allah, qui obéit à Allah. C'est pas une catégorie spécifique d'être qui ont un pouvoir surnaturel qui peut prédire l'avenir, qui connaît l'invisible et qui peut faire des miracles, qui peut faire des choses de ce genre. Non. Al-Wilaya, c'est pour tout croyant qui adore Allah, qui obéit à Allah, qui s'éloigne des péchés, qui fait les adorations. Et il est possible qu'ils commettent des péchés aussi. Parce que qui sont les plus grands awliya? Si je vous demande aujourd'hui maintenant, qui sont les plus grands parmi les awliya? Le prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand wali. Il n'y a pas un wali qui est plus grand. Et après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus grand des awliya, c'est qui? Les autres prophètes qui sont venus après. Ceux-là sont les plus grands parmi les awliya. Il n'y en a pas d'autres après qui sont plus hauts que les prophètes. Ça, c'est clair. Après les prophètes, qui sont les plus grands? Les Sahaba, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ceux-là sont les plus grands. Après, Al-Ashra al-Mubashirin bil-Jannah, les 10 promis au paradis par le prophète, textuellement dans les hadiths. Ceux-là sont les plus grands parmi les awliya. Et si on regarde l'exemple de ceux-là seulement, dans le Coran et dans les hadiths, et comment ils ont vécu, et comment ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala, on voit qu'est-ce que c'est d'être un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'être un wali d'Allah, c'est de suivre l'exemple de ces gens-là. Est-ce que un d'entre ces gens-là ont prétendu, une fois dans leur vie, d'avoir la connaissance de l'invisible? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais prétendu de connaître Dieu. Jamais durant sa vie. Hein? Et même dans le Coran, il y a des versets qui disent que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit Qul. Si je connaissais le ghaib, l'astaghfirtu min al-khayr, wa ma mastaniyastu. Si j'avais une connaissance de l'invisible, j'aurais accumulé beaucoup de biens et aucun mal ne m'aurait atteint. Mais il ne connaît pas le ghaib. إلا من ارتضى من رسول فإنه علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه donc le ayat qui dit que Allah SWT il est علم الغيب c'est lui seul qui connaît le غيب فلا يظهر على غيبه أحدا il donne à personne la connaissance de son غيب excepté à ceux de ses messagers qui l'ont donné certaines connaissances du غيب mais pas une connaissance complète de tout ce qui est dans les visibles. D'accord? Donc, c'est juste un passage en passant. Et, yani, on sait que, cette idée de wilaya, de ithma, l'infaillibilité des prophètes, l'infaillibilité des awliya chez les soufis, eh bien, ça les pousse même à tomber même dans l'adoration de ces chayoukhs, parce qu'ils impliquent en réalité qu'ils sont des prophètes. On arrive à la conclusion que ce sont les prophètes. On va s'arrêter ici, inshallah. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fikum. Donc,